Vous êtes assez fous pour l'écouter. 89.1. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. Yes. D'aujourd'hui, assemblage requis. Myriam Fugère et Jasmine Raymond-Dreville se joignent à notre joyeuse bande de lutins. Et on a la chronique financière de Yann Martel. Ben, ça fait une belle émission, ça, je pense, moi. Oui, oui, ben, c'est assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage Rocky, votre émission massée dans pièces attachées. Ah, ok, belle cette émission-là, elle est fine et cute. Et, c'est une belle émission. Belle émission, je trouve, des beaux cheveux. On a vu, c'est toi qui m'as fait remarquer ce matin que le stationnement de l'université est particulièrement plein aujourd'hui. Eh oui, il doit y en avoir qui ont mal à la tête ce matin. C'était le party de fin de session hier. Ah, le Frosty Party, la fête givrée. La fête givrée, donc voilà, en fait, je pense que ça a été un succès. Oui, ça doit. Vu au nombre d'auto qu'il y a. Oui, et ensuite l'odeur aussi. Hein, ah oui. En ce moment. Là, ça sent la bière. Oui, la bière et le vomi, un mélange de différentes choses ensemble. À cette heure-ci, c'est pas plaisant. Tout est agréable. Une chance que les gens arrivent plus tard, d'habitude sur le campus, donc là, qu'ils vont avoir eu le temps de nettoyer. Quoique. Oh. Tu sais, peut-être pas. Quoique, si on regarde les toilettes, c'est pas toujours le cas. Donc aujourd'hui à l'émission, on a Jasmine Raymond-Dreville à 7h30 avec sa chronique linguistique. Elle continue sur la nouvelle orthographe. OK, fantastique. C'est la dernière chronique là-dessus, je crois, en tout cas pour l'instant, hein, parce que c'est sa dernière chronique de l'année. Hein? Enfin, c'est la dernière semaine, ça, là? Ben, c'est la dernière semaine de l'année. Oui, il reste juste deux émissions avec celle d'aujourd'hui. Oui. Ça passe très, très vite. Ensuite, à 8h, on aura Myriam Fugère et sa chronique aléatoire. Je ne sais pas de quoi elle nous parle, mais je sais qu'elle va sûrement nous mentionner au moins la petite vidéo qu'elle nous a envoyée avec toi, moi, Jasmine et elle-même. Ouais, j'ai vu. Rockin' Around the Christmas Tree. C'est beau. C'est beau. Très, très beau. Ouais. C'est bien fait. Ah, c'est Jib Jab, hein? Tu connais Jib Jab? Ouais. C'est bien. Et puis ensuite, à 8h30, qu'est-ce qu'on a, François? À 8h30, on reçoit Yann Martel avec sa chronique financière et on parle de négociation de salaire. Ah, bonne idée. Ouais. Donc, ça va aider bien des gens. Espérons-le. Et la chronique, c'est un fait, bien sûr. Dans l'émission d'aujourd'hui, on commence avec Galaxy à l'instant même. Voici Mélodie Mécanique au 89 FM. C'est fou dans vos oreilles. Et la musique joue dans nos pas.

is always right. About the morning, above the blaze, never stopped crawling. Quelqu'un comme toi. On peut pas me faire confiance. Non, c'est ça. Donc, on vient d'entendre Wilco avec la pièce Black Moon. C'est sur le palmarès anglophone. Et avant ça, on a entendu Benoît Rocheteau avec Vient-t'en sur le palmarès franco. Voilà. C'est un bloc palmarès, coudon. C'est un bloc palmarès, coudon, hein? Coudon. Coudon. Coudon, coudon. C'est comme si on jouait rien que ça, mais c'est pas vrai. Hey, rétrospective, c'est cette semaine? Oui, c'est jeudi, entre 14h et 18h, une édition spéciale de 4h où on va vous passer les 50 pièces les plus appréciées des animateurs en 2011. 25 donc, anglo, 25 franco. C'est exact. J'ai tout compris. T'es fort. Fort. T'es fait-tu tout jouer ou? Probablement. En 4 heures, on devrait avoir le temps de pas mal tout jouer. Sinon, okay. Peut-être une ou deux pièces en moins. Formidable. Mais pas les numéros 1, on va les faire jouer. Ouais, je verrais bien mal. On va se rendre jusqu'à la fin. Assemblage Rocky maintenant, ben c'est le moment de la dernière chronique. C'est un fait de l'année. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Et c'est la dernière chronique de l'année, oui, tout à fait. Donc, mais pas une chronique spéciale du tout, là. C'est juste la dernière chronique de l'année. Ça veut pas dire que c'est une chronique spéciale Noël du tout. Non. Du tout. Parce que les gens se sentent obligés de faire des chroniques ou des émissions spéciales de Noël pendant les fêtes, on dirait, parce que leur public le demande, là. Faux. Tu peux aussi ne pas en faire. Pas obligé. À moins que t'aimes ça. Si t'aimes ça, je t'encourage à le faire. Vas-y, fais-le. Fais une émission spéciale de Noël, je m'en sac. Mais moi, je me sens pas obligé et je trouve que ça donne rien de le faire. Donc, allons-y avec juste une chronique normale. Commençons dans les années 1800, tiens. Presque 25% de toutes les femmes au Royaume-Uni s'appelaient comment? Jeanne? Non? Marie. Marie. Un peu comme au Québec en 2011. Hein, sûrement 50% des personnes. Marie-Ève, Marie... Christine, Marie, Marie-Noël, Marie... toute la gang, toutes les Maries. La gang. C'est super à la mode. Hein? Marie-Justine, Marie-Jasmine... Ça serait un beau nom. Ouais. Marie-François-Olivier. Moins, un petit peu moins. Ensuite, ça prend environ une heure pour faire bouillir un œuf d'autruche. Oh, quand même. Un gros œuf d'autruche, là. Magnum, magnum, hein? Une heure. Faut que tu te prennes en avance un petit peu, tu sais. Faut que t'aies bien fin aussi. Beaucoup de gens pensent que le X dans Xmas, tu sais, en anglais, on dit dire Christmas, des fois, tu dis Xmas, là, c'est ça. On pense tout le temps que c'est comme une façon de cacher le mot Christ, tu sais. Pour genre, parce que tu sais, la controverse, faut pas donner un gnagnagna. Donc les gens disent Xmas, mais non. C'est pas vrai du tout. En fait, quand tu vas dire ce fait-là à quelqu'un qui faisait ça, ben, ça va être pour le corriger, parce que le X, en fait, vient d'une lettre grecque, le chi. Chi, oui, chi, qui est la première lettre d'un mot là, que je vous prononcerai pas parce que je connais pas le grec, là, mais ça veut dire Christ. Donc vraiment, tu sais, le X veut dire Christ. Fait que si tu dis Christmas, Christmas, c'est la même chose que dire Christmas, hein? Donc voilà, c'est bien. Et la partie mas, M-A-S, c'est vraiment, ça vient du, pardonnez-moi, ça vient du latin missa, qui veut dire la messe sacrée. La messe sacrée. La messe sacrée du Christ. Wow. C'est bien, hein, ça va? Super. En Grèce, maintenant, passons, encore en langue, hein, parce que, tu sais, Jasmine vient d'arriver, là, je me dis, crime, parlons de langue, hein. Parlons. Allons-y. Elle qui a la langue dans sa bouche. Comme dans la chanson de sa chronique. Donc, Charles... Ça s'en va, là, t'as fait fuir. Allez. En Grèce, Charlton Heston, son nom veut dire se remplir les pantalons de... Quoi? Se remplir les pantalons de... Se faire se chier dessus. Comme le chien, c'est fun, ça. Ouais. Donc, quand tu prononces Charlton Heston, c'est ça que ça veut dire. Donc, à cause de ça, il est toujours crédité sous le nom de Charlton Heston. Il veut pas dire la même chose. Donc, son vrai nom, à lui, c'est John Charles Carter, mais il a choisi le nom de Charlton Heston en tant qu'acteur. Il a joué, vous le savez, une liste de figures historiques de Moïse à Michel-Ange dans sa carrière. Sa longue carrière a duré pendant 60 ans jusqu'à sa mort en 2008. Est-ce que tu savais que Charlton Heston était mort? Non. C'est de la planète des singes, les 10 commandements, des affaires comme ça. On sait, en tout cas, la plupart des gens savent que Heston était un grand amateur de fusils, d'armes à feu. Il était le vice-président de la National Rifle Association of America et est allé en Colombie-Britannique à un certain moment donné pour faire la promotion des fusils en disant que qu'on avait tous le droit, donné par Dieu, d'avoir un fusil. Ils sont fous. C'est super. Charlton Heston, Shih Tzu. Mais ça, c'est le chien. Moi, je parle du chien. Ouais. Bien sûr. Je serais pas vulgaire comme ça, la radio. Oh, on a-tu la grippe? Je pense que Jasmine a le rhume un peu comme toi. C'est toi qui lui as donné le rhume? Qu'est-ce que vous faites dans votre bureau une fois par jour, tout ça? Non. Alors, savais-tu que tu peux chercher de l'or à New York? De l'or à New York? C'est vrai. Il y a des gens comme Rafi Stepanian qui font environ 300$ par jour juste en cherchant de l'or à New York. C'est que les rues du district des bijouteries, il y a comme un genre de district des bijouteries sur la 47e rue à New York, qui est rempli de particules de bijoux. De diamants dans les cracks de trottoir. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que les gens qui travaillent dans les bijouteries de ce coin-là ont des petites particules de bijoux sur eux après avoir fait des trucs avec les bijoux. Donc, ça reste sur eux. Ils vont dans la rue, ils marchent, ça tombe dans les cracks et donc, tu as juste à ramasser ça avec un petit balai. Là, puis, tu peux aller revendre ça. Puis, lui, ben, il fait 300$ par jour environ. Hey. Donc, si tu manques d'argent, New York, 47e rue, le district des bijouteries. Bon. Une femme du Texas, parlant d'argent, a peut-être réussi à trouver une façon de gagner la loterie plusieurs fois. Okay. C'est Joan Gither qui a un PhD, est-ce que c'est un doctorat, un bac, en tout cas un diplôme là, en mathématiques. Elle a gagné la loterie du jackpot 4 fois. Donc, elle avait 18 chances sur 24, 7, je sais pas en français comment on appelle ça, un 7 billions. Comme un genre de, c'est 7 comme, milliards? Non, c'est ça, c'est pas non, c'est 7 billion en anglais, t'sais. C'est comme genre 7 paquets de zéro, là, je sais pas trop comment ça marche, mais en tout cas, je connais pas ça. Voilà. Mais c'est pas beaucoup de chances d'avoir gagné autant de fois. Vu que l'État, dans le fond, la chose, c'est que l'État doit garantir un certain nombre de gagnants. Tu peux pas avoir juste au hasard des billets gagnants, t'sais, aléatoirement. Il faut que tu aies un nombre précis. Il faut que tu garantisses ça. Donc, ce qu'elle a fait, ben, c'est qu'elle a trouvé une formule mathématique pour calculer ça. Elle a réussi à prédire où étaient les meilleures chances, dans le fond, à quel endroit ça allait être envoyé. Donc, d'une certaine façon ou d'une autre. Le bureau de la loterie, là-bas, du Texas, dit que c'était juste de la chance. Mais elle a trouvé la façon. Ouais, pas sûr de comprendre, mais... Ben, moi non plus, parce que dans le fond, on peut pas, y a pas, la solution n'est pas donnée, t'sais, évidemment, parce que tout le monde pourrait le faire, mais ça, on pense que c'est sûrement des probabilités d'endroits où le billet va être disponible. Une combinaison de différents facteurs comme ça, mais c'est pas... Y a une formule à quelque part là-dedans, parce qu'il a gagné 4 fois. Là. Le jackpot. On s'entend qu'il y a quelque chose derrière tout ça. En 1959, un homme a engagé quelqu'un pour lancer de l'acide dans la figure de son ex-copine et plusieurs années plus tard, l'homme et l'ex ont été mariés. Wow. Okay. Donc, OK, faut comprendre parce que j'ai lu comme cet article-là trois fois et à chaque fois, je me repose la question de qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Donc, allons-y. T'as Bert Pugach, OK, qui était fâché contre son ex, Linda Rice. Donc, t'as Bert Linda. Linda. On va l'appeler Linda. Donc, il a payé un genre de fier à bras, là, 2 000 $ pour lui jeter un acide corrosif dans la face pour lui donner une leçon, si on veut. Donc, le gars, le criminel, là, le méchant, est allé à l'appartement de Linda, disant qu'il avait un cadeau pour elle. Okay? Donc, un cadeau empoisonné. C'est ça. Donc, le cadeau, dans le fond, le criminel a réussi et Reese a plus tard décrit que c'était comme recevoir de l'eau en pleine face et ensuite du feu. L'impression qu'elle a eue. Donc, le criminel a eu une sentence de 15 ans en prison. Et Pugach, c'est Bert, le mari. Lui a servi 14 ans en prison. Et puis, maintenant, il était avocat. Fait qu'il ne peut plus pratiquer maintenant. Quand même, pas pire comme histoire. Donc, Linda Reese a été évidemment cicatrisée à vie. Elle a besoin de traitement pour s'empêcher de devenir aveugle parce que ce serait facile pour elle de devenir aveugle si elle ne se faisait pas traiter. Donc, plusieurs années plus tard, Reese trouvait ça bizarre que Pugach, c'est son ex-mari dans le fond, avait continué sa vie et était, dans le fond, avait été rendu avec une autre fille, puis elle était jalouse de son ex-mari, tu sais. Fait que bref, une chose amenait à une autre, et puis ils sont revenus ensemble. L'ex-mari qui avait engagé le criminel, là, puis la femme, ils sont venus ensemble, ils sont mariés. C'est incroyable. Incroyable, hein? Parce que moi, au début, je pensais que c'était genre le criminel qui avait lancé l'acide, ouais, qui s'était marié avec la fille, mais finalement, c'est l'ex-mari. Bref, c'est ça, une histoire drôle. Les poitrines de dinde sont rendues tellement grosses que maintenant, les dindes ne peuvent plus faire on peut plus avoir de relations sexuelles. Ouais, je sais, c'est ça, exactement. Donc, c'est que les fermiers, ça en fond, ils ont réussi à reproduire des dindes qui ont de plus en plus de grosses poitrines parce que c'est les poitrines qui sont les plus populaires à manger, à acheter. Donc, la plupart des dindes viennent d'insémination artificielle à cause de ça. Selon Kai Risdale, 82,6% des dindes mangées à chaque action grasse, c'est de la dinde qui vient d'insémination artificielle. Eh ben. Oh. Eh ben. Bizarre. Ils sont pas capables de faire le sexe. Non. Trop grosse poitrine. Ça peut arriver souvent, ça, quand même, dans la race humaine. Hein? Quand ça empêche. Je sais pas. Écoute, je pourrais pas te dire, là. Tu connais le film Tron? Ouais. Tron, là, il y avait Jeff Bridges là-dedans. Daft Punk, la trame sonore. Ça, c'est le plus récent. On parle de l'original, le vrai Tron. Pas le remake, pas la suite. Excuse-moi, c'est pas un remake, c'est une suite. Bref, il remplissait un petit peu trop son habit de l'entre-genre. Hein? L'entre-genre, comme on appelle dans la vie. Donc, il devait porter une ceinture de danse pour cacher son gros appareil. Hein? Et il s'est passé la même chose avec Brandon Routh dans le plus récent, le nouveau Superman. Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réduit la grosseur de son entre-genre par ordinateur. C'était trop gros, trop apparent. Parce qu'il voulait engager quelqu'un qui avait le talent d'acteur, la belle face, pis tout ça, mais tu sais, il pouvait pas être trop précis sur la grosseur de son son engin. Son entre-gin, c'est exactement. Le film Tron, qui était un échec au départ, mais les jeux vidéo d'arcade basés sur le film ont été des succès, et ensuite, ils ont fait plus d'argent que les films, et le succès culte du film, après ça, a mené à Tron Legacy, donc, comme tu parlais, la suite, qui est sortie plusieurs décennies plus tard. Ah oui! Parlons de Kim Jong, deuxième junior, Keka, etc. Là. Kim Jong Il. Il. Il. Il, elle ou elle au pluriel. Il est mort. Oui, qui est mort, mais il était très, très. Disons qu'il fallait pas rire de sa grandeur, tu sais. OK. Kim Jong Il, il fallait pas rire de sa grandeur. Il était toujours gêné. Ouais. Je pense qu'il avait pas le sens de l'humour tout court, lui. Non, probablement pas. On n'a jamais dit sa grandeur parce qu'il a fait enlever les mentions de sa grandeur sur tous les dossiers qu'il y avait sur lui. Mais on estime que c'est environ 5 pieds 3. Ouais, il était quand même. Donc, un ancien professeur de Corée du Nord a écrit là-dessus, pas une thèse, mais un texte sur le fait que Kim Jong-il était très, très, très, très sensible par rapport à sa grandeur. Une des allégations les plus extrêmes de son texte est que le gouvernement a envoyé un message à toutes les petites personnes, les personnes de plus petite taille de Corée du Nord, parlant d'un médicament pour les faire grandir, pour qu'ils deviennent de grandeur, entre guillemets, normale. Malheureusement, quand les petites personnes sont arrivées là-bas, ils ont été kidnappés. Ça, c'est encore une fois une allégation. Là. Ils ont été kidnappés et emmenés à un endroit. Et ensuite, on n'a plus jamais entendu parler d'eux. Donc, des milliers de personnes qui seraient disparues parce que le dictateur nord-coréen Kim Jong-il ne voulait pas qu'il y ait d'autres personnes petites dans le futur. Il voulait éliminer les gènes de petites personnes. Selon la biographie officielle de Kim Jong, le deuxième du nom, là, il est plus qu'humain. Hein? Sa naissance, après sa naissance, il y a eu des doubles arcs-en-ciel. dans le ciel, qui, dans sa biographie, c'est ce que ça dit, là. Et une nouvelle étoile est née dans le ciel. Oh. Aussitôt que Kim Jong-il est né. Wow. C'est beau. C'est joli, hein? Et aussi, selon sa biographie, fait très intéressant pour tout le monde ici, Kim Jong-il ne fait pas caca du tout. Non, mais pour vrai, non, mais c'est, même, c'est des, pas des blagues. Là. Selon sa biographie, il ne fait pas de besoin. Oh, c'est peut-être pour ça qu'il est mort? Peut-être. J'invente absolument rien. Même pas une blague, même pas une blague. Le sarcasme peut t'aider à résoudre des problèmes. Okay. Oui. Donc, le sarcasme peut t'aider, dans le fond, ça aide ton cerveau à comprendre des choses. Utiliser le sarcasme régulièrement peut rendre ton cerveau plus intelligent. Selon une étude israélienne, cette étude-là montre que le sarcasme encourage la pensée complexe et aide à comprendre les messages cachés derrière les choses, par exemple. Donc, c'est une forme de moquerie. On connaît tous le sarcasme. Ah, t'es donc bien bon, matin. Ouais. Hein? T'animes donc bien bien, Mathieu Plante. Tu t'en parles pas du tout dans tes phrases, puis tu traduis très bien ton anglais, etc., etc. On dit que la plupart des enfants du monde peuvent reconnaître le sarcasme dès la garderie. Ça m'impressionne quand même. Et les scientifiques disent que si les gens ne sont... Ben, en fait, que les gens qui ne seront pas capables de comprendre le sarcasme ont peut-être un problème au cerveau. OK. C'est quand même assez sévère. Ah, ouais, quand même. Le sarcasme qui a aussi changé certains langages, dont l'anglais. Par exemple, on dit que 25% du temps, la phrase « yeah right » est utilisée sarcastiquement. « Yeah right ». Yeah, right. Aussi d'autres phrases comme big deal. Ouais, c'est big, big deal. Deal. Ça, c'est un méchant big deal. Hein. C'est... Ou encore, t'es vraiment spécial, toi. T'sais. On n'utilise plus jamais ces phrases-là dans le vrai côté de la chose. Comme un crime, François, t'es vraiment spécial. Je t'apprécie, François, t'es spécial. Tu vois, même juste en disant là, ça a l'air sarcastique. Ouais, ça a l'air sarcastique. Ça aide parce que je le pense pas. Mais. déplacé. Hein. Un petit peu. Ouais. Parlons de crème glacée pour compenser, OK? Allons-y. Deux derniers petits faits. Un sur la crème glacée. Les gens qui goûtent la crème glacée mangent avec des cuillères faites d'or. Ah ouais. Savais-tu ça? Non. C'est pas ça? Pourquoi des cuillères aussi fancy? Je sais pas. Les autres doivent altérer le goût. Ben, c'est exactement ça. C'est que manger de l'or, ça permet à la personne qui goûte la crème glacée de goûter le 100% du goût sans être influencé par un arrière-goût de métal. C'est métallique, ce qui est commun avec la plupart des cuillères de métal. Évidemment, la plupart des gens qui mangeraient de la crème glacée normalement vont pas du tout goûter ce métal-là, ben, c'est sûr. Mais si ta job, ton emploi, ton travail, c'est de manger, le palais, la langue est raffinée, les papilles... C'est sûr, donc tu vas le goûter, le métal. Les papilles! Papilles. Ah, les papilles, les papillons, les papillons. Non, c'est une chanson de qui? Les papillons. Pas Yann Tiersen, Jean-Leloup. Il y a un autre musicien de talent, dans ce cas-ci, John Stump, qui a créé une musique impossible à jouer. OK. Impossible à jouer. C'est John Stump qui est crédité avec l'invention d'un style musical complètement ridicule. Il a composé une pièce qui s'appelle « Fairies, Airy and Death Waltz ». Tu peux aller voir sur assemblagerequis.com pour voir la feuille qui accompagne ça. Là, comment t'appelles ça, la feuille de musique là, pour la jouer? Partition. La partition, exactement. Donc, il y a comme des genres de points de notes un petit peu partout. Et ça a comme aucun sens, même pour quelqu'un qui connaît beaucoup la musique, j'imagine. Peut-être que Jasmine pourra me dire si ça a du sens, cette image-là. Tu y cliqueras ça dans la face. Là, pis, c'est tout ce qu'elle mérite. Wow! Donc, pourquoi on va pas aller écouter un extrait, tu sais, peut-être? Hein? Un petit extrait de cette pièce de John Stump, Fairies, Airy and Death Waltz. C'est bon, hein? C'est un succès. Ok. Non, ok. C'est fini, là, ça finit. On est rendu à la fin. En fait. On était rendu à moitié, mais je te dirais que c'est long. Hein. C'est 37 secondes. T'sais. Tout ça, c'est 37 secondes? Oui. Oh! Wow. Ouch! Mes oreilles! Ouais. C'est John Stump. Oh, c'est fini. Désolé. Ça, faut que je l'écrive. Ouais, c'est ça, John. voilà pour la chronique, c'est un fait. C'est la dernière chronique de l'année. Je finis sur une note merci, vraiment Mathieu. Poche. Là. Ça me fait plaisir. Ouais, c'est une note, effectivement, qui est assez poche. c'est ça. C'est pas ma faute, hein. Je voulais rendre hommage à un musicien de talent, là. Tu peux pas m'en vouloir pour ça. Mais non. Bon. Alors, prends une petite pause et on vient avec Jasmine Raymond Rainville juste après cette pièce. On aime ça la jouer quand t'es là parce que, je veux dire, on aime ça, tous les deux. On aime ça. On dirait que c'est comme super redondant parce qu'on met la même à chaque fois. Annie Hall, de Mauve. Puis après ça, ben, on vient. Puis on parle de langue. Avec la langue dans la bouche. Service aux étudiants de l'UQTR. François Olivier, Mathieu Plante, pièces détachées, assemblage requis. Fallait bien que je parle d'une anecdote sur quand j'ai corrigé quelqu'un, puis après ça, il m'en voulait pour que Jasmine me corrige. Maintenant, je lui en veux. Ça va très, très bien. C'est le cycle de la vie. Elle aime pas mon chat en plus. Fait que. Tu sais? En tout cas. Ouais, défends-toi. Ben non, mais là, son chat, il a juste un œil, puis il a de l'air juste une tête. Puis toi, t'as parlé rien que d'une tête, toi? Hein? Mais j'ai mes deux yeux, même si même si j'ai juste l'air d'une tête. Oui, c'est ça, rire des handicapés, Jasmine, à la radio. C'est une bonne idée de faire ça. T'as pas de chat. Un chat, le nid aussi. Ah, hey, on parlera pas. On parle pas de chat. Là, tu vas t'attirer les commentaires de la PETA et les autres associations pour la protection des animaux. Le nid, c'est un petit minou usagé aussi, fait que j'ai fait ma part quand même. Mm-hmm. Hein? Mettons. Ouais. En tout cas, tu commences un petit peu mal, il va falloir que tu te rattrapes avec ta chronique linguistique. Oups. À l'instant. Chronique linguistique à Jasmine. Chronique linguistique à Jasmine. Jasmine apporte de langue, mais avec sa langue dans sa bouche. Bon. T'es faite, hein, t'aurais pas dû faire ça. Ouais, tu disais, François? Ah non, rien du non. Il disait, t'es faite, t'aurais pas dû faire ça. T'es faite, t'aurais pas dû faire ça. T'aurais pas dû faire ça. Donc, Jasmine, bienvenue. Allô? Bienvenue. Hey. Bonjour. matin. C'est la fille que j'aime en ce moment, hein, parce qu'elle est fine avec moi, tu sais. T'es pas fine avec moi, c'est ton chat que j'ai cœur. Ben oui, mais là, en tout cas, il t'a rien fait. Mais ça va. Aujourd'hui, on parle de langue, évidemment, c'est la chronique linguistique. Oui, mais encore. De la nouvelle orthographe. Encore. Encore. Pour une troisième semaine. Oui. Consécutive. Est-ce que c'est pas fini, là? Ouais, c'est ça, non, c'est la dernière. Non, pas encore. Mais. Quoi? Non, mais. On pourrait. C'est pendant la longueur des règles. On peut peut-être en combiner, mais c'est bientôt fini. Ben, sinon, on pourrait demander à la personne qui écrit le livre de faire la chronique. Il y en reste comme une, là. OK. Ben oui, appelez-la, Chantal Content. Appelez-la, je suis sûr qu'elle va venir gratuitement. Je suis sûr qu'elle a jamais entendu ce jeu de mots-là. Oui. Voilà. Voilà. OK, bon. OK, on parle de quoi? Ce matin, je vous parle de la simplification des consonnes doubles. La simplification des consonnes doubles. Qu'est-ce qu'une consonne double? C'est deux lettres pareilles. Deux L. Collées, mettons, ouais. C'est comme des chiffres et des lettres, mais sans la portion mathématique. Hein? Ouais. Mais c'est comme, tu sais, dans le mot chiffre, c'est comme les deux F. Tu sais? Consonne, ouais. Double. Oui. Il y en a deux. Consonne. Two times. C'est ça. D'accord. OK. Je vais comme faire une petite introduction. Wow, est-ce que tu veux te lever debout et puis on va tout être solennel? Je vais enlever ton fond, vas-y. Fais ton discours. Mais c'est pas un discours, c'est une introduction. OK, donc tu mentionnes que tu fais une introduction. Oui, je fais une introduction. J'aime ça que tu le mentionnes. OK, bon, cette semaine, je pense que je parlais avec François, puis il me demandait le mot « appeler », combien de « p », combien de « l ». C'est dur, hein, j'avoue, ça. Deux ben P, deux L. C'est facile quand on comprend le principe. Mais dépendant, je m'appelle ou je t'appelle. Je fais un appel téléphonique. Okay, ça devient différent. Bon. Dans le fond, quand on dit j'appelle, c'est deux P, deux L. Pour la simple et bonne raison que on prononce appel, donc on dit E et non E. J'appelle. Contrairement à appeler. Est-ce qu'on comprend la différence de son entre les deux E? Appeler, j'appelle. Oui. Il y a comme un E, puis un E. OK, appeler un L, deux P, un L. C'est ça? Les P, ça paraît important aussi. Les P, on s'en fout, il y en a tout le temps deux. Mais l'affaire, c'est que oui, c'est facile à comprendre ça, mais la règle est dure à retenir parce qu'elle n'a pas de sens. Absolument. Ben non, absolument. C'est ça que je vais vous expliquer dans le fond. Parce que sûrement qu'on ne vous l'a jamais expliqué comme on ne me l'avait jamais expliqué. Ouais. Que, bon. Dans le fond, quand on a une consonne double, que ce soit un T, un n'importe quelle consonne double finalement, là, avec un E devant, le E va automatiquement se prononcer E. Comme dans bicyclette, fillette. Barouette. C'est ça. Dès qu'il y a une consonne double, dans le fond, ton E, il se prononce E accent grave. Fait qu'on dit appeler avec un L parce qu'il se prononce E, mais j'appelle avec deux L parce qu'on prononce E. OK. Mais ça, c'était inventé au hasard complètement, cette règle-là. On s'entend? Non, mais ça. Pourquoi au hasard? Ben non. Ça n'a pas été assez. Mais oui, mais là, c'est parce que ça a été inventé. Bon, ben, Colin, mais qu'on dise accent grave va être une lettre, puis l'autre, ça va être la première. Non, mais c'est avec toute l'évolution du français là, que ça s'est fait. En tout cas, sûrement. Comme ça, est-ce qu'on comprend, là? Oui. C'était mon introduction. D'accord. Devant une consonne double, le E se prononce E. D'accord. Voilà, parce que je vais en parler. OK, fait qu'il faut retenir ça. Parfait. Donc. Hein? Non, rien. Mais tu vas en parler, t'en as déjà parlé, non? Mais non, mais c'est parce que je vais comme. OK, non, mais continue. J'ai expliqué le principe qui va comme faire partie de des règles que je vais vous nommer. C'est comme ça. Ça va pas partie de la nouvelle orthographe, ça, c'est comme. C'est tout le temps dans le. Ça a toujours été comme ça. Ça a tout le temps été comme ça. Bon. Parfait. Donc. On simplifie la consonne double, ce qui veut dire que quand on avait une consonne double, on en met juste une. C'est comme ça, là? Attends, une minute. Okay. C'est comme la grande règle générale, puis je vais dire dans quel contexte on fait ça. Donc, il y a simplification des consonnes doubles dans les formes conjuguées des verbes en E-L-E-R et E-T-E-R. Faites-moi pas des yeux de main. Mais après ça, il se demande comment ça fait que le monde ne sait pas écrire. Ça, n'importe quoi. Mais ça, celle-là, j'ai comme. Mais là. J'ai des difficultés avec celle-là, je la trouve un peu. Mais moi, j'ai rien compris. Mais celle-là, ben non. Non, mais je vais vous donner des exemples. OK. Oui. Mais celle-là, je l'aime pas vraiment. Je la trouve un peu poche. Okay. Je l'aime vraiment pas. L'exemple. Ça me fait pas plaisir, on dirait, de vous dire que c'est rendu comme ça. Parce que c'est pas plus simple. Donc, dans les verbes niveler, tous les verbes dans ce genre-là, qui avaient deux L, maintenant, c'est E accent grave L. Je sais pas pourquoi, ben, je trouve pas ça logique. Quoi? Ouais. Hein? Avant, le verbe niveler. Là, ça va être niveler? Ben là, c'est. Non, non, on prononce encore je nivelle, tu nivelles, mais au lieu de. Que ce soit N-I-V-E-L-L-E, comme dans je nivelle, ouais. C'est rendu E accent grave L-E. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je suis pas d'accord avec celle-là, je l'aime pas, mais j'en parle quand même. C'est n'importe mais quoi. Mais je l'aime vraiment c'est pas, quoi. Celle-là, je vois comme tu sais. J'aime pas ça. On dirait qu'ils se sont sentis obligés de changer les choses. Ouais, ouais, ouais. Il y en a qui étaient plus logiques. Parce que tu sais, on dit qu'il faut que la langue évolue, fait que faisons-la évoluer n'importe comment. Ça fait travailler les gens. Allons-y, ben mais oui. Dans les premières dont je vous ai parlé, je pense qu'il y avait quand même des trucs logiques, mais celle-là, je l'aime vraiment pas. Je trouve absolument pas ça logique parce que dans les verbes qui sont bien implantés dans l'usage, ça reste comme ça. Ça reste comme c'était, tu sais. Comme dans appeler, j'appelle, ça reste Ouais, tant qu'à ça, mais elle est partout. Mais c'est ça, c'est celle-là, mais je vous en parle quand même. Hein? On fait pas les choses à moitié. Non. Mais je non. Je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Mon chien est pas d'accord non plus. Non. Bon, ben, je suis d'accord finalement. Okay. Bon. Voilà. Donc, tous les dérivés aussi de ces verbes-là, comme nivellement, tous les dérivés. C'est la même chose. Accent grave. Accent grave. Mais seulement dans la catégorie de ceux qui changent. Ouais, c'est qui ça. Changent dans pas. Ceux qu'on est comme moins habitués de. Tu sais. Ouais. C'est ça. Avec cette règle-là, c'est poche parce qu'on est comme tout le temps obligé de se référer à la liste de mots rectifiés. Mm-hmm. J'ai hâte de voir si le pourcentage, mettons, de réussite aux examens en français va augmenter avec la nouvelle orthographe. Ouais. Pas sûr. Non, c'est ça, c'est vraiment bizarre. Parce ben, au moins, t'as une chance de plus de l'écrire comme c'est ça. C'est ça, t'as comme deux chances à ce temps-là. C'est ça. On dirait que je me dis, tant qu'à le faire pour un mot, fais-le pour tout. Mais bon. Mais. C'est pas nous autres qui décident, hein? C'est nous autres qui décident. Les habits cravates, sûrement. Ce n'est pas nous qui décidons. Parfait. Il y a aussi simplification des consonnes doubles. Lorsque. Ah, dans les mots du genre. Interpellé. Attendez, attendez une minute. Je m'aide. Interpellé. Ouais. Accent grave encore? Ouais. Interpellé. Oh. Où ça l'accent grave? Interpellé. Sur le E? J'interpelle. Non, je me suis mêlé. Excusez, ça c'est une exception. Ah là. Pas une exception. La main de fétition, là. Je comprends bien. Dans dentelier, prunelier. Dentelier? Tous des mots comme on n'est pas habitués. J'écris jamais ça. J'ai jamais écrit ça. Je pourrais pas. Je dentelle. Mathieu fait dans la dentelle. Du mot dentelle, là. Oui. Prunelier, tout ça. Chandelier, ça c'était déjà comme ça, mais en tout cas, il y a certains mots. Chandelier. C'est ça. Bizarre, change celle-là. Pas. Change pas lui. Deux L. C'est ça. C'est pas deux L. Chandelle. Chandelier. Chandelier, deux L, non? C'est ça. Hein? Hein? Je suis mêlée, là, tu me mêles. Tu me mêles. Chandelier, C-H-A-N-D-E-L-L-I-E-R. En fait, non, excusez-moi, Colin. Aïe, aïe. C'était je suis mêlée. On laisse faire, pas Mathieu. On laisse faire, finalement. On va écouter la musique. Mais en fait, c'est des choses qui écrivent sur la... Bref, en tout cas, on va continuer. D'accord, c'est d'accord. Avec un truc moins mêlant, là. Oubliez toute la dernière portion de l'émission. Mais en fait, c'était... Ouais, non, c'était pas un boucleur. Oubliez ça. C'était pas un boucleur. Oubliez ça. C'était pas un bout. C'est rendu une boutique, mais boutique cas, maison boucleur. C'était pas clair. D'accord. Bon, c'est ça. Parce que dans le fond, c'est... Ouais, c'est ça. C'est ça. Voilà. J'ai un peu mêlé. Prochaine page. Non, c'est pas une prochaine page. On continue dans la même page. D'accord. Et on écrit avec une consonne simple les mots anciennement en O-L-L-E. O-L-L-E. Sauf ceux. Non, c'est ce que j'allais dire. Sauf ceux qui sont bien implantés dans le visage. OK. Hey, c'est le fun, hein? C'est ça. C'est n'importe quoi. C'est vraiment pas ma règle préférée. Je m'aime pas de vous parler de ça ce matin. C'est fun? J'aime pas. Imagine comment nous autres, on se sent. OK, finalement, les verbes anciennement en O-T-T-E-R et leurs dérivés. Frotter, mais pas si c'est planté. Frisoter, grelotter, grelottement, tout ça, là. Puis deux T, juste un. Ben, voyons donc. Mais, ben ouais, non. Mais comme je vous disais, avec tout ce... Là, parce que je suis obligée de vous en parler, cette règle-là, parce que... Oui, t'es vraiment obligée. On t'a forcé de faire ça. Non, mais elle fait partie des rectifications, mais pour toute cette règle-là, il faut tout le temps les vérifier dans la liste, puis c'est un peu... Ça m'énerve. Ça m'énerve. Ils vont se faire une version de poche de ça pour qu'on puisse tout le temps, genre une application iPhone pour pouvoir savoir comment écrire non, parce que c'est donc compliqué. Non, mais vous pouvez jamais être pénalisé non plus pour peu importe l'usage, là. Mais. Non, mais c'est pas le but de la chose. Être pénalisé ou pas être pénalisé, je m'en sac. Ok, je finis ma série sur la nouvelle orthographe. Non, c'est pas ça, c'est que. Je sais pas, c'est pas ça que je veux dire. Mais voilà. C'est tout. C'est une question de. C'est pas est-ce que je vais être pénalisé à un examen, c'est est-ce que je vais comprendre ce que j'écris. Que je veux savoir, ça. Si tu l'écris, tu vas nécessairement le comprendre. Ouais, mais c'est ça, mais ça je le comprendrais peut-être pas nécessairement. Non, mais ça, tu l'écris comme la bonne vieille méthode, là, en fait. Là. Mais t'en es qu'à écrire comme la bonne vieille méthode. Non, mais ouais, mais je sais, mais en tout cas, moi, personnellement, je me casserais pas la tête à, exemple, m'acheter un livre comme ça pour voir si, tu sais, j'ai pas d'erreur. Exact. Mais les gens vont l'apprendre comme ça dorénavant, puis ça va faire un mélange de gens qui vont écrire. Ouais, non, mais là, ça va être le choc des générations. C'est ça. Éventuellement, ça va se tasser, puis il va y avoir une autre nouvelle orthographe, comme le... Oh, ouais. C'est ça. Dans 20 ans. C'est ça. Voilà. C'est genre, mais merci quand même, on l'apprécie, tu sais. Oh, oui, non, non. Fini. Non, non, mais. Ça, c'est en a d'autres continues, on te coupe pas. Non, j'avais fini pour ce matin. C'est bon? Fini, OK. T'es sûr? On n'a pas changé. À part la sûre, là. Non, non, pour vrai. Est-ce qu'on peut te complimenter sur autre chose? Mais non, ça va. Sur autre chose. Ça va? Ça va? T'as des beaux cheveux. Merci. Y'a l'air doux. C'est ça. Merci. C'est ça. Hey, c'était un malaise. Hein? Bon, non, pas tout, voyons donc. Voyons donc. Non, je fais comme... Mais non. J'en veux un. T'en as un, là. J'en ai eu trois, je pense, dessus. Alors, on écoute une pièce de Bon Hiver en ton honneur. Oui! C'est toi qui l'as choisi. C'est quoi la pièce? Je sais plus le titre par cœur, c'est tout ça, même ça. C'est elle qui me l'a envoyé par iPhone. Holocene. Oui, c'est ça. On l'écoute à l'instant dans Assemblage Requis. Bon réveil à ceux qui vont se réveiller avec ça. Moi, je trouve que ça réveille bien. C'est d'après, hein, je pense. Voilà. C'est ça. C'est ma préf. Merci, Jasmine. Merci! Mon chat t'a dit merci. En fonçant dans un mur parce que c'est un œil, là, c'est sûr. C'est à peu près ça, ça ressemble à ça. Yeah. J'espère que ça t'a remonté un petit peu le moral, Jasmine. Non. Hein, par rapport à ta chronique poche. Excuse-moi. Hey, t'étais pas dans son équipe. Oups, excuse-moi. Rendu compte, moi aussi, dans l'équipe, c'est en train de s'écrouler, cette affaire-là. Là. Écoute, les fondations. Est-ce que vous m'acceptez dans votre équipe, les deux? Ah, fuck! Non. check la face à Myriam. Myriam, on s'en fait-tu une équipe ensemble? Ça pourrait être drôle. Ça pourrait être drôle, mais Myriam, c'est pas une force dans l'équipe. Hey, non, mais quand, mettons, je prends l'exemple de notre équipe. Calme-toi la force, là. Calme-toi la force. Que la force soit avec vous. Excuse-moi, mais la semaine passée, dans le quiz de Noël, Myriam était l'animatrice. C'était seule dans ton équipe et t'étais poche. C'est moi qui gagne. Ah oui, ouais, mais vous étiez deux contre un. Justement, fait que c'est elle la force de l'équipe. Ouais. Non, ça mais... Ça n'a pas rapport. On cumulait pas les points. Non, puis on jouait pas vraiment ensemble, tout le monde non plus. Non, c'est ça. Non, tu sais, on s'entend que Mathieu, je sais pas pourquoi, faisait seulement dans le micro, tu sais. Avec toujours une minute de retard. Bon, en tout cas, comment je me place pas. Si vous n'étiez pas là, vous avez manqué quelque chose. On écoute Patrick Watson, Weight of the World, et on vient après ça. Non, c'était pas. Oh non! Ah, ben attends un peu, t'en voulais une en particulier? Non, mais vas-y. Oh, tu m'écoutes pas quand je crie mes titres de chansons? Non. Je veux la 8e. La 8e? Luscious Life. Ouais. Avec le plus grand des plaisirs, Jasmine. Oh, merci. Pour toi, ma coéquipière d'amour. Ouais. Fin! C'est du violon, c'est du piano, écoute donc comme il faut. Je vois pas à tune. Ça vaut. Your dreams when you are away. Doesn't it taste so sweet? Like it's growing on us, growing on the tree. Luscious Life de Patrick Watson. Ouais. Patrick. Yay. T'as bien ça? Oui. Ça va? Oui. Tu pensais qu'avec la fin de session, tu serais de meilleure humeur, mais finalement. Hein. Finalement, je suis encore un peu là. Alors, fâché contre le monde, la haine dans les yeux, de la hargne. De la hargne? Oui, j'ai ce mot-là, hein, c'est quelque chose quand même. Ouais. Hein? On vient avec Myriam Fugère tantôt, c'est chronique aléatoire. Ouais. Hey. Passage obligé. Hein. Wow. Un instant, hey. Coéquipier. Ouais. Coéquipe mal, je trouve. Là. C'est la dernière fois qu'on va être en équipe pour cette année, pour 2011. Okay. Ouais. En 2012, qu'est-ce qu'on fait? On change trading places? Je sais pas, je me suis comme attaché aussi en on même temps. On verra, parce que On change pas une équipe gagnante. Je parle de François puis moi. Oui, là. Je savais que tu disais ça. Évidemment. Bon, ben, je t'aime pas plus que je t'aimais pas, toi. Wow. Bon. C'est ça. Okay. T'as médité à toi. Ça fait quoi, 4 malaises ouais. aujourd'hui à date? Ouais. 4 malaises? Ouais. Active. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89-1. Non, je suis en train de dire qu'on pourrait faire 3 équipes à place de 2 équipes. Tu sais, là, c'est Myriam et François, et puis Jasmine et Mathieu. On pourrait faire une équipe avec Myriam et François. Est-ce qu'on dissout les équipes? Comment? On dissout pas les équipes, mais voyons oui, donc. C'est plate, la compétition. Ben, ça donne un petit peu de piquant. C'est plate, la compétition. C'est plate, la compétition quand tu perds, c'est ça. Ben, oui. À date, j'ai tout le temps gagné. Restez pas la semaine dernière, une victoire écrasante de 3 à 2 à 1. 3 à 2 à 1 pour? Hey, j'ai même pas eu de points, moi, je pense. Pour moi? T'as pas eu de points? Mais vous me dis-le pas. Ouais. Ah oui, mais sans... oui, t'en as eu un. Oui, oui. Hey, j'étais assez fière de ton point. Parce que, oui, parce qu'il regardait les paroles sur Internet. Bon, sur ce, on n'a pas de quiz aujourd'hui, donc ça devrait rester... Ben là, m'ennuie de rien mes poches. Je m'excuse. Non, il n'y avait pas vraiment de quiz à faire avec mon sujet. Non? C'est quoi ton sujet? J'ai pensé vous faire l'historique du Père Noël, puis après ça, je me suis comme ravisée. Ah. Je me suis dit, bon, non. Hey, Mathieu Condat! On commence la chronique aléatoire de Myriam. Il n'y a pas de mots, là. C'est tellement plate. T'entends pas des mots, toi? Madame Lavoie, là. Voyons. Madame Lavoie de C'est fou. Moi, je l'aime bien ton intro. Ouais, mais c'est, beau. C'est vrai que ça manque un petit peu de genre... la chronique aléatoire! Ouais, ça manque de quelque chose. Ouais. Je rajouterais des pets. OK. Pour annoncer la pertinence. La chronique de pets aléatoire à Myriam. Parce qu'elle pète avec sa bouche. Non! Ça sent fort, hein? OK, mais défi, OK, on en fait une, improvisez-vous quelque chose, OK? Mais okay, non, là! Ah oui. Là, on fait! OK, je baisse, OK, allez-y, on, une intro. Je suis pas capable! Qui fait le beat? Moi, je peux faire les pets. OK. Fais les pets, Jasmine, musique, t'es bon? Fais des pour chants. Pour des instruments, ouais. Oui, hein? C'est plus... Non, mais, hey, non, on se reprendra okay, peut-être. C'est pas mal aléatoire, c'est quoi? Bon, ouais. Ça sonne pas mal, ça. C'est n'importe quoi. Je suis pas capable. De? Bon, c'est, passez un beau matin, tout le monde, à la maison. J'espère que vous appréciez nos bruits de pète à cette heure-ci le matin. Donc, chronique aléatoire de Myriam, de quoi tu nous parles aujourd'hui? Pas du Père Noël, hein, c'est ça? Non, je parle pas du Père Noël. En fait, je m'adresse directement à l'universitaire. Vous, là, l'universitaire. Oui, toi. Type. Toi. Universitaire. Faut type. Les tutoyer. Qui, hein? Faut les tutoyer. Ah oh oui, moi je les tutoie. On est très près. Très près. Très près du jeune, whack et sick. Ouais, on c'est ça. On n'est pas comme ça, l'université. Yo les jeunes! Tout le monde s'est en forme. Est-ce qu'ils veulent du champagne? Yeah! OK, donc en fait, ces dernières semaines, toi, universitaire, t'as été occupé. Même là, je m'inquiète. Je m'inquiète pour l'universitaire. Ouais, pour ton bien-être, là. Je m'inquiète pour lui. Parce et sa santé mentale? Il était occupé, puis là, boup, il n'y a plus rien à faire. Mettons un peu, on l'a. Il n'est pas une mauvaise chose, en fait. Là. Ah, ça, il. Mais il faut trouver quelque chose pour meubler ce temps libre-là. Travailler? À part travailler, là, parce que. Il est super aller jouer dehors! Hey, s'il vous plaît, je peux faire ma chronique? À date, on t'empêche. On est tellement habitués de faire des quiz qu'on. Bon, oui, c'est ça. Vous me cherchez des réponses. Bon, en fait, j'ai quelques suggestions. C'est des suggestions. Tu as brûlé la langue tantôt, hein, c'est pour ça. Ouais, oui, je me suis férocement brûlé la langue. Ça va zozoter tout le long de la chronique. Oui, alors, j'ai quelques suggestions d'activités. Ça va faire. Reliées à Noël ou au temps des fêtes. Si on est peut-être mieux de dire au temps des fêtes, ça va. Oui, la période du solstice d'hiver et ce qui l'entoure. Voilà. Donc, Borealis nous suggère une activité en famille. C'est le fun, là. Tu as-tu déjà été? Non, je suis jamais allée. Okay. Sauf que je pense vraiment y aller pendant le temps des fêtes parce qu'il y a des trucs chouettes. Et d'ailleurs, Jasmine. Je sais pas, moi. Ben, Jasmine devrait venir avec moi parce que. Allons-y! Écoute bien ça. Donc, on suggère en fait une activité en famille, mais j'avoue qu'avec, tu sais, mettons, tu te réunis avec beaucoup d'amis puis tu vas faire cette activité-là, ça peut être très drôle. C'est un peu le même principe que quand t'allais à l'atelier de pâte et papier à l'espèce d'usine. Est-ce que vous avez déjà fait ça? Ouais, tu faisais une Kruger? Comment? Kruger? Ah, ben oui. Oh, ben ouais, j'imagine que oui, mais c'est parce que j'étais tellement petite que je me souviens plus c'est où. Ben moi, j'avais fait une feuille, mais c'était à l'école, je pense. Mais j'étais beau au centre-ville, comme. Je voulais pas me sortir. Ouais, ouais, c'est ça. Ou au port, là, comme. Ouais, au port, il y avait comme une activité de pâte et papier. Au port, comme? Comme. Comme, c'est où? Au port.net. Au port.net. Donc, en fait, c'est ça. Tu y vas avec plusieurs amis, puis il y a moyen d'avoir beaucoup de plaisir, même si t'es pas en famille. Ben, c'est j'ai pas caché du tout le port.net, là. Ben, c'est ça. On a dit port.com. Ah, okay. C'est la première sablon ou popcorn aussi dont j'ai parlé il y a quelques semaines. Oui. Popcorn. Le porc. Porcom. Comme ça. Porcom. C'est ça. Non? OK. Moi, des bruits de cochon, ça me paraît. Donc, il s'agit... Je fais des bruits de pète, apparemment. Mais c'est les cochons qui pètent. Donc, il s'agit d'un... C'est un atelier de fabrication de boules de Noël écologiques. Ah, wow, ça, c'est cool, ah, ça, oui, par exemple. Bon, c'est ça. Fait que là, moi et Jasmine se demandait comment faire notre sapin de Noël l'année prochaine. Parce que vous allez habiter ensemble. On s'en va habiter ensemble pour mettre en situation. C'est pas c'est une crèche de radis. C'est pourquoi j'avais besoin, disons, pour de... Pour mettre dans le sapin. La crèche de radis, tu peux lancer dedans? Non, t'as lances pas dedans, t'as mis à terre en avant. OK, OK. Donc, on pourrait utiliser des résidus de zone campus pour faire des boules de Noël. Tout comme nous, on a utilisé des anciennes affiches de zone campus pour emballer les cadeaux qui figurent sur le zone campus. Fait que tu pourrais avoir des zones campus emballées avec des zones campus dans un zone campus sur un zone Est-ce campus. Est-ce que c'est des vrais Pourquoi cadeaux? Pas? Moi, je demande ça. Ah, ben ça, tu sauras à Noël. Ouais. Quand tu recevras une boîte vide. Ben non, mais en fait, c'est une fois vraiment que vous avez consommé votre zone campus de A à Z, que vous avez lu tous les articles, ils sont tous appréciés les uns que les autres, et commenté les uns les autres. Ensuite, vous les avez commentés sur le blog, vous avez partagé ça sur Facebook. Après ça... Ben vous pouvez aller faire en fait des créations à partir de papier et journal recyclé. C'est toi qui amènes ton papier? Ben je pense pas, là. Mmh. C'est juste parce que je voulais plugger les zones campus. T'es fine avec nous autres. Je trouvais qu'il était beau. C'est vrai. Il est visuellement agréable. Oui. Alors, j'avais envie d'en parler. Donc, c'est des créations qui sont originales puis qui vont vous donner vraiment... qui vont donner un deuxième souffle au papier. Donc, ça vaut la peine. Puis, il me semble que j'aurais une petite fierté de voir plein de boules de papier, moi, dans mon... Mais tu sais, je trouve que ce serait pas laid. Ça fait 2011. Ça fait, ouais, exactement. Ça fait de notre temps, je trouve. C'est vert, ça. Ben, c'est ça. C'est écologique, c'est vert. Ah, exactement. En plus, le logo du Zone Campus, il est quoi? Il est vert. En plus. En plus. Hey, imagine. Fait qu'on pourrait s'arranger pour mettre le papier. Et voilà. Bref, donc pendant la visite, vous pouvez, bien sûr, ben, pendant l'activité, vous pouvez faire aussi l'activité de visite de Borealis. Donc tout à l'heure, tu te demandais si c'était le temps. C'était agréable. Ben, et si ça fonctionne bien aussi, parce qu'à Trois-Rivières, je sais pas, j'ai comme des doutes. Ah ouais? Ouais. T'as des doutes au Il y a rien qui marche à Trois-Rivières. Ben, surtout ça. C'est comme mal placé. Puis, je suis pas sûr que ça intéresse vraiment les gens. Mais bon, c'est mon point de vue, là. Ben, c'est en allant voir que tu vas pouvoir te forger ta propre vie. Puis, on invite les gens à y aller, justement. Okay. Je sais pas, il y a des visites de cavernes, des trucs comme ça. Mais moi, en tout cas, c'est le genre de choses qui m'intéresse. De voir les cavernes, mais c'est pas... Non, mais... De voir de faire des activités comme ça. Ah oui. Parce que ça élargit les horizons, veux pas. Aller faire un tour au musée, voir qu'est-ce qui se passe ici, là, c'est parce que les gens se donnent pas l'effort. Ben c'est ça. Ben c'est ça. Se donnent pas la peine. Exactement. D'aller visiter parce que ces endroits-là. François dit, je suis pas sûr que ça intéresse les gens. L'idée, c'est pas nécessairement que ça intéresse pas les gens, ça intéresse des gens. Mais c'est que la plupart des gens sont intéressés par des affaires vraiment, vraiment mauvaises. Mais si on parlait pas des affaires vraiment, vraiment intéressantes, on parlerait plus de rien, c'est vous. Genre, tu comprends ce que je veux dire? Mais pour vrai, moi, il me semble que dans mon bac, on avait organisé une activité, une sortie là-bas, finalement. Puis j'avais pas pu y aller, mais il me semble que les commentaires que j'avais eus, c'était vraiment très bon. Mm-hmm. Puis il y a quand même, je pense que ça y a beaucoup de. Ben, pas beaucoup, là, mais il y a plusieurs étudiants aussi qui travaillent à cet endroit-là, qui font des visites. Donc. Voilà. On va les encourager en plus. C'est ça, ce serait dommage qu'il n'y ait plus d'activités comme ça dans la vie parce que les gens y vont pas. Il faudrait les encourager. Ben oui, pourquoi pas? Parce que si on n'y va pas aux activités, il n'y en aura jamais. Puis peut-être que ça tombera jamais sur votre goût. Ah, tu dis mieux les choses que moi, ça n'a pas d'allure. Je fais un petit résumé. Ouais. Donc, puis en plus, c'est une bonne idée aussi parce que des fois, pendant le temps des fêtes, t'as un cousin, une cousine qui vient puis tu sais pas quoi y faire comme activité. Tu l'envoies là tout seul. Tu l'envoies. Ben non, tu y vas avec lui. Mais moi, je fais toujours ça. Mettons, quand j'ai un ami de l'extérieur qui vient, souvent, je... Bon, oui, on peut sortir et tout ça, mais j'aime ça faire visiter des trucs dans la ville, mettons. Mmh. Tu sais, j'ai déjà été avec des amis visiter, bon, la vieille forge. Tu sais, des gens qui venaient de la Gaspésie, mettons. Ouais. Tu sais, t'es invité ici puis tu leur fais visiter des trucs, alors pourquoi pas? C'est plus pas fun ça? Que les bars, parce que les bars, c'est partout pareil. Hein? Ben c'est ça. Mais tu sais, tu peux faire les deux aussi. Ben oui, exact, il y a moyen exact. De faire un combiné d'activités. Les deux sont pas ouverts en même temps. C'est ça, le bar l'après-midi, bof. C'est sûr que tout est pareil. Bouf. OK, ensuite de ça, au Musée des cultures populaires, on nous propose pour une troisième année le village de Noël. Donc moi, je ne l'ai pas encore vu. Mais encore une fois, pourquoi pas y aller cette année? Donnons-y une petite go, parce que là, il est là pour la troisième année, mais il sera-t-il pour une quatrième année? Et voilà, ne sait-on jamais. Donc, on nous propose en fait une campagne enneigée, des centaines de maisons, d'édifices, des personnages, un centre de ski, un train électrique. Et ça, c'est toujours impressionnant. Ouais, ça, c'est le fun, ça. Tu sais, c'est le fun, j'imagine aussi, quand t'as un enfant, d'y voir la face quand tu vois ça. Tu sais, le petit train qui se promène, puis le petit village miniature. Puis on nous propose un jeu de cherche et trouve. Une espèce de Où est Charlie, mais de Noël. Mais donc sans le copyright. Le Père Noël, j'imagine. Comment? Faut que tu trouves le Père Noël. Entre autres, il y a plusieurs éléments à trouver. Donc, le Père Noël qui est en kayak. En kayak. Les nombreux bonhommes de neige, un autobus scolaire. Tu sais, il y a plusieurs items à trouver dans le décor. Et puis, c'est pour une dizaine de dollars, en fait, tu as droit vraiment à un décor enchanteur qui, en fait, contrairement à ce que la nature nous offre en ce moment, là, parce qu'on s'entend-tu qu'il y a 3 flocons de neige dehors? Là? Non. Donc, pourquoi pas un beau décor, là, un vrai décor de Noël? Là. Oui. On va aller voir ça même là-bas. Même s'il est faux, c'est pas grave. Oui, mais un vrai décor. Ça. Un vrai décor faux. T'avais compris. Un faux vrai décor. Oui, oui, c'est un petit décor enchanteur. Oui, oui. Également au musée jusqu'au 8 janvier. Ben, en fait, tu sais, souvent nos grands-parents ou nos parents nous parlent de l'ancien temps en nous disant. Oh, moi, j'avais des pommes puis des oranges à Noël. Oh, puis quand on était pas sage, on avait du charbon. Mais tu leur dis, veux-tu bien vivre dans le présent? Mais je suis allée au fond des choses. Oh! Au fond du bas. Au fond du bas de Noël. Oui. Pour découvrir que c'est faux. Faux! Oh, ouais. Oui, parce que le musée nous offre l'exposition de jouets de l'ancien temps. Et puis quand on nous parle des jouets de l'ancien temps, on met des guillemets. Ah, OK. Oui, de l'ancien temps. Ça, c'est des guillemets anglais. Quand tu les fais comme ça, faut que tu les fasses en triangle. Donc... Comme ça, c'est pas beau. D'accord. Alors, c'est ça. Donc, on découvre les jouets qui étaient offerts aux enfants dans l'ancien temps. Triangle. Puis, on peut aussi faire, en fait, c'est ça, il y a un atelier où tu peux faire un jouet d'inspiration de l'ancien temps. Donc, ça, c'est le fun. Le musée de Trois-Rivières est bien fort là-dessus. Faire des ateliers après ou avant les visites. Donc, dans chaque endroit, tu peux faire l'objet de ta visite, là. L'objet de ton... De ce que tu veux faire. J'essaie de trouver quelque chose de poétique à dire. L'objet de ce que tu veux faire. L'objet de ton affection. Voilà. Tout à fait. Donc, si t'as envie de faire une espèce de vieille poupée, ou ben, j'imagine qu'on nous propose un truc de bois. Je sais. Ben, c'est dans l'ancien temps. Ouais, sûrement. On doit. Chez nous, j'ai un train de bois. Ah oh ouais? Ouais, c'est bien cool. T'empiètes toutes tes petites affaires. En tout cas, c'est bien intéressant. Mais... Ça date de longtemps, vous? Ben, pas du tout. Non? Non, c'est plutôt récent. Mais ben, ma mère avait acheté ça à mon neveu, là. Puis. C'est toi qui joues avec? Ah ouais, j'aime bien ça, je me promène dans la maison avec Chou-chou! Chou-chou! J'adore ça. Ensuite de ça, au Nord-Ouest Café, le 28 décembre, on s'offre une soirée traditionnelle festive avec les frères Lemay. Ah, wow! Alors, ça va être 21h où vous pouvez aller soigner votre compagnie. Ben oui. Youhou! Amenez votre Alors, compagnie. Alors, pourquoi pas y aller? Ben oui, il faut qu'il y ait une compagnie qui soit là. C'est fait ça. Que, compagnons! On amène nos petites cuillères, puis parce que ça doit être comme, tu sais... Ouais, ben c'est ça. C'est à la cuisse, là, tu sais quoi? Mais c'est dans le fun, ça, me semble, des soirées comme ça. Ben tu sors pas de là marabout, là. Non, mais. À moins que quelqu'un ait vomi sur tes souliers. Non, mais je. À moins que quelqu'un ait vomi sur tes souliers? Ben non. C'est une anecdote de vie, ça? Non, non, je dis ça de même. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles tu peux être marabout en sortant d'un bar. OK, on joue à garde des clans. Buzzer, non? Hey, non, mais. T'es le seul à jeter. Ben oui, ben oui. Une chronique demain. OK, ben en revenant du temps des fêtes, je vous prépare une chronique garde des clans. Cool. Je vais gagner. Hey, ça va être le gros party. Ça a l'air que tu peux faire dans mon équipe. On va t'en reparler. Ah ouais, c'est ça. Et ensuite de ça, un classique pour amener ta blonde, en fait, ou une nouvelle date. Donc, tu peux aller à Noël en lumière jusqu'au 8 janvier. C'est où ça? On s'entend qu'il y a un petit romantisme là-dedans. Ouais. Là, tu Oh, pour ça, tu des lumières. Ouais, je pense ouais. que oui. À la basilique, en fait, on illumine les jardins, on présente un grand village miniature. Ce qui est très drôle. Un grand là. Village oui, miniature. Oui, c'est ça. Je disais ça, puis j'étais là. Ah, ah, un grand village miniature. C'est comme un grand nain. C'est à peu près ça. Oui, c'est ça. Un nain, il mesure quoi? 5 pieds, 4 pieds 8, c'est ça? 4 pieds 6. 4 pieds 6, le nain? Oui, mais un grand nain, ça serait 4 pieds 8. Mais non. Mais non, mais mettons. Le... Un grand nain, c'est 4 mettons, pieds 6. Mettons la limite du nanisme, là, c'est genre. Ah, OK. 4 pieds 6, fait que lui, c'est un grand nain, mais c'est quelqu'un qui mesure 2 pieds, c'est un petit nain. Un mini nain. Ouais, 2 pieds. Je trouve ça drôle. OK. Donc, en fait, il y a aussi la crèche de Noël. Je participe pas à ça, moi. Je participe pas à cette conversation-là. Ah non, on parle pas de nanisme. Donc, c'est, comme je vous disais, c'est à la basilique qu'on illumine les jardins, tout ça. Puis on présente le village miniature, la crèche de Noël. Oui, ben, j'ai décidé de parler de basilique, de crèche de Noël. Toutes les sortes d'épices. On est fou. On oui. est fou. Ah, fou, furieux, 89. On ose. On ose. Wow. Hein? Et Gambrinus, dans le cadre des mardis live, le 27 décembre, on nous présente pour seulement 8$ le groupe Irish Bastard, donc qui est dans l'ambiance des fêtes encore. On peut swinguer au rythme de la musique traditionnelle irlandaise. Irlandaise, ça fait pas trop Saint-Patrick, non? Ben non, mais tu sais. Ça fait bien quand même. C'est beau pour fêter. Oh, ouais. Ça, ben oui. C'est surtout ça l'idée. En tant qu'il y a de l'alcool, ben galère. Tu fêtes en. Non. Non, mais tu fêtes avec tes amis, t'en profites pendant que t'as pas de travaux à remettre. Mm-hmm. T'as pas. Tu sais, oui, peut-être qu'il faut que tu te lèves pour aller travailler le lendemain. Là, mais... Peut-être que t'as des lectures à faire ou je sais pas quoi. Mais c'est quoi? C'est le 28? Le 27? Le 27, bon, tu sais. Tranquille, pense à mon lot. Tranquille, mm-hmm. le 27. Mm-hmm. Le 27, c'est une date tranquille. À chaque année, c'est tranquille, le 27. Ah oui? Bon, ouais. Parfait. Ouais, ouais, ouais. C'est écrit sur le calendrier. Tranquille, aux days. C'est un calendrier polyglotte, hein, ça. Ouais, voilà. Merci, madame. Est-ce que c'est terminé? Eh oui, j'ai terminé. J'ai terminé. Ouais. Sinon, vous pouvez voir toute votre famille aussi, c'est intéressant. François. C'est pas vrai. Donc, on se retrouve après. Une chronique très sérieuse, oui. On se retrouve en 2012. Eh oui, hein, j'étais moins phonique que d'habitude, on dirait. Ouais. Bof. Regarde, moins long. Mais des jokes, on est tout, hein? Pouet, pouet. Oh, on est tous fatigués, là, je pense, la fin de session. Ouais, on la tienne quand il y aura la guerre des clans. Boum, ce sera hot. Ça serait très hot. Tu fais ça à Split? La Split, luxonné. Okay. Ah, en studio, live comme ça. Wow. On te verra même pas. Elle se rend pas. Je m'étire. Elle se rend pas. Oh non, je vais déchirer mes cuirs. Oui, donc c'est ça, 2012. Oui, ta prochaine chronique, aléatoire. Oh, puis on va avoir du plaisir. Là. On verra quand et où et tout ça. Là. Comment, surtout. Comment, surtout comment. C'est comment le plus important. Ouais. Ouais. Puis on va t'envoyer un courriel hein, pour te dire quand tu vas pouvoir. Ouais, c'est ça. Attends, là. Voilà, quelqu'un aussi, on va... Hey, merci, merci beaucoup, Adam. T'es tellement antipathique. Antipathique, hein. On sort les grands mots, bon. Hein? Ouais. Mmh. On pourrait parler de ça, la chronique linguistique, à la place des mots comme ça? Eh bien, envoyez-moi vos idées. Parce que là, je viens de feuilleter mon livre et il ne me reste qu'une règle. à votre grand bonheur. C'est ça. T'as 10 minutes pour la faire. Non, non, pas ce matin, là, mais en revenant à des fêtes, hein? Parfait. Puis je trouverai plein d'autres choses. Cool. J'ai déjà plein d'idées. Merveilleux. Hourra. Hourra. Oui. C'est quoi le contraire de boue? C'est youp. Youpi. Yay. Yay. Yay. Parfait. Youpidou. Ouais, toi, on t'a pas parlé. Tu sais, c'est la mousse de ton café que tu y vas très lentement parce que tu veux pas te brûler la langue, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça paraît. Ouais, ça a vraiment fait mal. Ouais. Cool. Donc, un petit peu de cœur de pirate pour toi, Myriam. Bah oui, on danse et danse. Danse et danse. Youpidou. Youpi. Yeah! Assemblage requis jusqu'à 9h, restez là. Yann Martel s'en vient avec sa chronique financière dans quelques instants. La nuit se fait longue, tu me fais pas rire. Mais reste même si tu souffles les soupirs. Tu pars de trop près, je cherche la paix. Et sous barre de velours me crie que je te hais. Tu dis que I'm your only one, c'est ça. Oh, prends-moi pour une conne. Mais dans ces danses que j'ai à t'aimer, je ne t'aurai plus quand ce sera demain. Et c'est si dur de grandir, je sais, même sans moi tu connais la fin. Mais dans ces danses que j'ai à t'appeler, je ne te voudrai plus demain. Et c'est si dur de grandir, je sais, même sans moi. Et tu connais la fin, je sais du temps. Les vers, les haïkos, mes rimes ne te donnera pas ce coup. Et loin de ma vie, loin de ma raison, je cherche une sortie à ce vicle de saison. Tu dis que I'm your only one, c'est ça. Prends-moi pour une conne. Mais dans ces danses que j'ai à t'aimer, je ne t'aurai plus quand ce sera demain. Et c'est si dur. Je te voudrais plus demain. sens que j'ai à t'appeler. Je ne te réplique quand ce sera demain. Mais c'est si dur de grandir, je sais, même sans mal. Et tu connais la danse que j'ai à t'aimer. Je ne te voudrais plus demain. Et c'est si dur de grandir, je sais, même sans moi. Et tu connais la fin. The Jezebels et Endless Summer. On revient dans quelques minutes avec la chronique financière de Yann Martel à Assemblage Rocky. Assemblage Rocky pour toi aujourd'hui. 89.1. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. Assemblage requis jusqu'à 9h. Avec François-Olivier Marchand et Mathieu Plante, hein? Oui, oui. Pourquoi tu souris? Je sais pas, parce que t'avais l'air de vouloir t'étouffer. Ouais. Ouais. Non, c'est fait. C'est fait. Et on reçoit Yann Martel. Tâche accomplie. Ouais. Dossier réglé. Oui, voilà. Exactement. Et la belle voix qu'on vient d'entendre, c'est Yann Martel avec sa chronique financière. Est-ce qu'on part ça, là? Yeah, go! On est prêt. On est prêt. Bonjour Yann Martel. Bon matin messieurs, comment allez-vous? Ça va très bien. Oui, avez-vous été sage cette année? Non. Moyen. Moyen, le Père Noël vous gâtera pas. Hein. Ah, hey, mais je pense que toi, t'as quand même été sage. Hein? Moi j'ai été très sage. Ouais. C'est vraiment là, j'ai gagné le jackpot. Ouais. des petites vacances dans le sud. Ah pour vrai? Wow. Le Père Noël a été très généreux avec moi cette année. Il y en a des gâtés, mais oui. Ben tant mieux pour toi, c'est le fun ça. On va bien en profiter. On n'est pas jaloux, on t'encourage puis on fait comme on veut. On est un peu jaloux. Ouais, mais je vois toute votre abnégation là, qui se manifeste en ce moment. Donc, écoute, ce matin, pour la dernière de 2011, on va parler de la négociation de salaire. Ben voilà. Ben souvent, dans la période des fêtes, il y a des gens qui vont obtenir des bonus de Noël dans leur milieu de travail ou des augmentations de salaire, ou c'est le bon moment pour faire un peu une rétrospective de l'année, puis les bonus au rendement, tout ça. Mais c'est certain que la négociation de salaire, ça permet justement de voir augmenter notre salaire. Ça, c'est la partie intéressante. Mais par contre, ça se fait d'une certaine façon. Il faut pas arriver devant son patron de façon un peu désorganisée. Organiser puis dire, ben là, boss, by the way, faudrait que mon salaire augmente. Donc, il y a une certaine façon de faire. Il faut vraiment être bien préparé. Il faut comprendre ce qui se passe dans l'entreprise. Il faut avoir une bonne lecture de l'entreprise. Puis justement, à ce sujet-là, il y a une très bonne chronique dans le Affaires Plus de ce mois-ci concernant l'augmentation de salaire. C'est un peu l'article duquel je me suis inspiré ce matin pour faire la chronique. Donc, il y a vraiment des choses intéressantes. Il parle un peu de la façon de faire pour négocier son salaire, ses bonus de rendement. Au rendement, ces bonus de Noël, justement, pour être certain d'avoir ce qu'on souhaite aussi. Fait que la première chose qu'ils disent, bien sûr, comme je disais, c'est au niveau de la préparation. Faut pas arriver improvisation mixte qui a pour titre « Je demande une augmentation de salaire ». Ça va mal se finir. Ça va très, très mal se terminer. Ça sera pas juste des claques que vous allez avoir. Alors, à ce moment-là, ce que vous devez faire, c'est vous mettre un peu dans la peau de votre patron puis comprendre un peu sa réalité à lui aussi. Donc, ça demande un petit travail quand même de recherche. Là, faut voir un peu les états financiers de l'entreprise. Est-ce qu'en ce moment, c'est le bon moment pour faire une demande d'augmentation de salaire? Est-ce que l'entreprise est en croissance? Est-ce qu'il y a des développements? Est-ce qu'on a des nouveaux clients? Ou par contre, est-ce qu'on est en restructuration? Oui, est-ce que l'entreprise vient d'en slacker, je ne sais pas, une vingtaine? Oui, c'est peut-être pas le bon moment à ce moment-là pour aller cogner à la porte de son patron puis dire, ben là, ça me prendrait une augmentation de salaire. Ben, écoute, j'ai en licencié quelques-uns, là, c'est peut-être pas le bon moment. Donc, il y a un certain travail d'information à faire avant d'aller voir son patron. Faut faire attention aussi de voir la structure au niveau des bonus de rendement, comment c'est fait dans l'entreprise. Ça sert à rien de faire une demande si c'est déjà structuré, c'est déjà calculé à chaque année, il y a une augmentation prévue de tant de pourcentage dans le budget de l'entreprise. Et si aussi le milieu est syndiqué, j'imagine que... Faut faire attention aussi parce que souvent, exactement, les échelons salariaux sont déjà déterminés. Alors même si on va voir notre patron parce qu'on a eu une très bonne année, une bonne performance, on a participé à l'accroissement de l'entreprise au niveau du rendement, tout ça. Mais si c'est déjà prévu dans la convention collective, si c'est déjà prévu par une échelle... Ça ne donne rien à demander. Non, ça ne sert à rien d'aller demander. Donc, il faut vraiment bien s'informer pour être certain qu'on n'arrive pas là comme un extraterrestre. Avoir l'air fou. Oui, exactement. Avoir l'air fou. Faire rire de soi. Tout simplement. Ton boss qui est là, imbécile. Alors, faut aussi, au niveau de la recherche à faire, peut-être faire regarder les enquêtes salariales qui ont été faites par les différents organismes externes. Se comparer. Oui, exactement. Se comparer avec les autres entreprises, avec le milieu en général, quelqu'un qui a notre expérience, combien ça vaut sur le marché, tout ça. Donc, il y a un petit travail de recherche à faire à ce niveau-là aussi. Puis, quand vous vous présentez devant votre patron, que vous avez fait votre travail de recherche, vous vous dites, bon, c'est le bon moment, j'ai eu une très bonne performance cette année, je crois que ma participation a fait en sorte que l'entreprise a vu une croissance cette année. Je vois que dans... Mais ceux qui ont fait ça, là, je m'excuse de t'interrompre. Non, il n'y a pas de problème. C'est, faut amener des exemples concrets. C'est exactement là où je m'en vais. Okay. Tu m'as devancé, François-Olivier. Il faut arriver avec des faits. Il faut se préparer et idéalement mettre ça sur papier. Comme ça, quand on arrive devant notre patron, puis des fois, le stress s'empare de nous, ou là, le patron va nous demander des exemples concrets, ben oui, d'accord, je suis prêt. Oui, et là, le syndrome de la page blanche. Donc, on consigne tout ça sur papier, puis quand on arrive devant lui, on a déjà les exemples. Puis même, on peut lui remettre... Ça peut être un rapport de notre performance de l'année qu'on lui remet. Et puis, à ce moment-là, ça lui fait quelque chose sur lequel s'appuyer. C'est ça, il peut y réfléchir aussi, là. Ben exactement. C'est peut-être pas à court terme qu'on va voir l'augmentation, mais ça va peut-être venir. Puis aussi, une très bonne chose qui est amenée dans la revue, il donne des exemples que si jamais côté salarial, c'est pas possible, mais peut-être y aller vers d'autres négociations. Des semaines de vacances supplémentaires, un horaire comprimé de 4 jours, des dépenses supplémentaires de reconnues, des choses comme ça. Donc, pas juste donner dans le salaire, mais aussi donner dans les avantages sociaux, finalement. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant aussi à négocier à ce moment-là. Oh oui, tout à fait. Alors, voilà, messieurs. Très bon conseil. Hey, merci, voilà, mais c'est certain que là, j'ai fait un peu un résumé. Oh, ouais, moi, je vous invite bien à aller voir la chronique, l'article, voilà, dans le magazine Affaires Plus de ce mois-ci, qui est disponible, entre autres, au CICE, au Centre d'information carrière du service aux étudiants, au 1251 du Albert-Tessier. Mes amis vont être contents. Juste sur le coin, là. Oui, voilà. Bureau vitré. Le bureau vitré, exactement. Ah, oui, il y a plein de décorations de Noël en ce moment. C'est invitant. C'est beau. Ben oui, il y a plein de gens qui arrêtent pour demander des cadres en bonbons, mais malheureusement. Ah, ouais, pour vrai? Oui, mais malheureusement. Non, il n'y en a pas. Il va falloir en acheter. Il va falloir en acheter, exactement. Demande au patron, on va préparer ton dossier, demande au patron. Je vais préparer ça, on va regarder nos chiffres cette année, puis on va évaluer le marché de la canne en bonbons en ce moment. Est-ce que c'est le bon moment de faire des achats en grande quantité? Et le besoin dans les saveurs précises aussi. Oh oui, il faudrait faire un sondage au niveau des saveurs. C'est ça. Il y a des gens parmi nous qui. Oh. Oh, des filles capotent. Hey, ah oui, il y a des saveurs privilégiées. On va leur demander de former un sous-comité d'observation des cannes de bonbons. Et, voilà. Donc, merci beaucoup, Yann Martel. Hey, merci beaucoup, bonne année. Ça me fait plaisir, messieurs. Puis à mon retour, j'aimerais avoir le résultat du sondage des cannes en bonbons. Parfait. Mathieu, s'il vous plaît. Dans l'équipe de Zone Campus, c'est fou. Mettons comme pas mal, c'est assez pour nous autres. Oui. On va faire un comité restreint. Parfait. Merci beaucoup, messieurs. Hey, merci. Oui, des très bonnes vacances à vous. Ah, vous aussi. Ouais, c'est ça. On va profiter. On pense à toi. Hein? Carte postale, si tu veux. Oui, OK. Ça va me faire plaisir. Merci beaucoup. Merci. On écoute Huntington de Nans and Nat à l'instant, 89.fm. C'est fou! Jusqu'à 9h, c'est Assemblage Requis. Hein? Une canne de bonbons, puis Assemblage Requis, c'est le bonheur pendant les fêtes. And I've got mine. And when we get together, uh-oh, uh-oh, it's a battle till the end of time. Huntington de Nance and Nat à Assemblage requis sur C'est fou, car on a fait un FM. Moi, j'aime ça. Oui. Toujours avec François-Olivier Marchand. Oui, Myriam Fugère et Jasmine Raymond-Dréville. Ben oui, on a rarement du loose dans l'émission. Vous savez, l'émission est schlac, clac, clac, clac, clac, clac, chronique, chronique, chronique, pause, chronique, chronique, pause. Tu sais, bon. Là, on a un petit peu de temps aujourd'hui de libre, François. Ça va? Je suis en train de mourir, on dirait. Ben, on dirait, en te regardant de même. Ah, fait chaud. Voilà, shotgun, je fais pas le bouche à bouche. Ah, j'ai la grippe, non? Ça va passer. De toute façon, on va traîner jusqu'à dans une toilette qui sentent le lendemain une frostie, là, puis tu vas te réveiller tout seul. Ah, il me la trouvera. Et qui m'énerve. On s'énerve tous en ce moment, je pense, hein. On est dû pour des vacances. Une petite croisière, là, ça va pas. Ah, ça me tenterait tellement, là. Oui, hein, avec les chipmunks. Ah non, commence pas ces chipmunks. Les chipmunks. Ça ressemble à Lisa puis Barb, pas mal, tes chipmunks. Oh, ben là, mais Émilie Gauthier les imite à la perfection. Émilie Gauthier qui fait comme si on n'existait plus, mais qui existe encore. Donc, c'est merveilleux. Ouais. J'aimerais ça, moi, être capable. Je vais me pratiquer. Tu me demandes des conseils? Quoi? Tu me demandes des conseils? Ben, je pense qu'il chante du Lady Gaga dans ce film-là. Ils font un merveilleux duo avec Céline. Céline Dion? Céline Dion. Arrête-moi donc ça. Ouais. Hey, c'est rempli d'affaires que j'aime, ce film-là. My Heart Will Go On, on top on the boat, là. Wow! C'est touché à ce film-là, par exemple. Les chipmunks? Danny Janvier sur Facebook commente « C'est plate, les chipmunks. » Hey, il a dit que c'est plate de réaliste, c'est plate, les chipmunks. Y a-t-il quelque chose que t'aimes, Danny Janvier? Viens nous crier quelque chose que t'aimes. Hey, amour en la vie, s'il vous plaît. Aime la vie. On sait par sa pub qu'il aime fourrer. Il dit que oui. Il y a des choses qu'il aime dans la vie. OK, ben c'est ça. Ça doit être celui-là. C'est quasiment ce qu'il était avec nous. Mais pas les choses plates. Mais pas les choses plates. Bon. Ben, coudonc. C'est ça qui manquait dans cette émission-là du Danny Janvier. Là, ça devient drôle. Hein, François? Oui. J'ai répondu rapidement. Oui, quand même. Il n'y a pas eu d'hésitation, donc ça veut dire que c'est vrai. Ben moi, je ne vois pas ce qui marque, on dirait. Ah, là, je le vois. Bon. C'est sûr. C'est sûr. Bon, on avait du lousse, puis vous voyez qu'on s'en sert vraiment bien quand on a du lousse. Donc, ça vaut la peine. Ouais. Pour ça qu'on essaie de ne pas en avoir. C'est ça, ben oui. On essaye vraiment beaucoup. Une petite pièce? Ben quoi pas? Qui l'a choisi, c'est juste. Moi, le matin, les demandes spéciales, là, ça n'arrête plus. C'est ça. Party, sortez la boule disco. Ça fuse. Choupidou, choupidou. Choupidou. Choupidou. OK. Écoute, chienne folle, c'est ça? De Manajube. Manajube. Oui. Chip. Choupidou. Choupidou. C'est l'assemblage requis jusqu'à 9h. Malheureusement. Voyons. Oh. Oignon. Voyons. Je changeais le cours de vie. Non, c'est vrai, c'est qu'il y a une pièce Tony, cachée. Tony. Il y a une pièce cachée, mais c'est pas bonne. Fait qu'elle va commencer, mais c'est juste qu'il y a une pause entre les deux, j'avais pas pensé. Donc, faut attendre. Hey, encore, faut qu'on meuble. Wouhou! Mais on est bon pour ça. Mais oui, on est tellement bon pour meubler. D'ailleurs, chez IKEA. Hey, j'ai reçu tout le temps des téléphones, genre d'un magasin de meubles là, à tous les jours parce que je suis allé une fois magasiner là. T'as laissé ton numéro de téléphone? Ouais. T'es donc bien naïf. Depuis ce temps-là, toutes les semaines, puis il faut que tu fasses décrocher. Parce que si tu raccroches tout le temps, ils vont rappeler dans 10 minutes. Alors, mais moi, il n'y a rien qui m'énerve plus que quand tu vas dans un magasin et qu'ils te demandent ton code postal, ton numéro de téléphone, ton adresse, ton numéro d'assurance sociale. Mais le code postal, c'est pour cibler à qui envoie la pub, dans le fond, par courrier. Ça va commencer, attention. On est bien meublé. Ça commence. On va aller là. Pourquoi ouvrir les micros? Parce que la pièce finit pourquoi éventuellement. Pourquoi t'ouvres les micros, Mathis? C'est comme drôle de question. Madame, j'ai étudié en radio, mais bon. Je pensais qu'elle était... On vient entendre Malajube avec la pièce Chienne folle et puis l'excédente pièce bonus. Excellente, mais aussi excédente. Genre, parce qu'elle courte. Courte. Elle compte pas, en fait. Non, c'est ça. C'est comme un bébé toon. Un bébé toon. C'est cute. Hein? On parlait de code postal au magasin. Pourquoi les codes postaux? Ouais, ben moi, en tout cas, du temps que je travaillais dans un magasin, en tout cas, il me semble ce qu'on m'avait expliqué, c'est que quand les vendeurs vous demandent le code postal, c'est pour cibler à qui ils vont envoyer de la publicité et des circulaires par courrier. Mais moi, personnellement, contrairement, je pense à vous, je pense qu'il n'y a pas de plus grand plaisir que de recevoir un appel téléphonique d'un magasin que tu t'en sacs. Non, mais c'est pas avec un code postal. Non, je sais, mais Mathieu me parlait d'appel téléphonique, mais waouh, c'est formidable, en fait, tu peux leur dire n'importe quoi. Oui, parce que c'est un appel automatisé, donc ils t'écoutent pas. C'est pas une personne. Ah, qui t'appelle. Ah, non. Toi, t'aurais aimé ça que ce soit une vraie personne pour pouvoir l'envoyer promener, c'est ça? Okay. Oui, non, mais tu n'en vas pas promener, mais tu sais, en fait, tu dis n'importe quoi. Là. Moi, j'ai déjà fait de l'espèce de télémarketing, si on veut. Là, comme je déteste. Puis je trouvais ça tellement. Non, en fait, j'appelais... je sais pas si je peux le dire. Sûrement. En fait, j'appelais... c'est fermé, tu peux en parler. J'appelais d'anciens membres du Parti libéral pour voir s'ils voulaient renouveler leur carte de membre. Et des fois, là, c'était tellement drôle, là, qu'est-ce qu'on se faisait dire. Là. Puis ça m'est déjà arrivé, parce que je parle semi-bien anglais, là. Puis, tu sais, des fois, t'es nerveux, là, quand tu parles en anglais, puis tu dis n'importe quoi. Puis j'avais séparé la liste, là, mettons ceux qui parlent anglais, ceux qui parlent pas anglais, avec mon ami. Non, mais j'avais un ami qui le faisait avec moi, qui lui parlait mieux anglais que moi. Puis il y en a un qui s'est glissé là, dans ma liste. Puis j'ai dit I will call him yesterday au lieu de I will call him tomorrow. Tu sais, OK, I will call him yesterday. Là, le gars, il m'a dit OK. Puis là, il a comme raccroché. Puis je m'en suis pas rendu compte. C'est quand mon ami, il m'a dit tu as-tu dit I will call him yesterday? Je vais oh merde. Puis là, je me roulais à terre. Là, c'était tellement drôle. Le gars, il devait trop me trouver con. voilà. Okay. Alors, tu sais, des fois, oui, toi, tu trouves peut-être ça drôle, les gens qui t'appellent. Ouais, j'adore, tu sais, il y a moyen de se faire du fun quand c'est toi qui appelles aussi, finalement. Ouais, peut-être. Tu trouves, mais faut que ça drôle quand quelqu'un embarque avec toi. Ouais, non, c'est ça. Faut que la personne soit ouverte. Drôle, là. Ouais, ouais. Tu sais, à un moment donné, il ne faut pas que tu sois blasé. Non. Ça peut être agréable. Il faut que tu parles français aussi. C'est fun de jaser avec les gens. Les gens. Les gens. C'est fun de jaser avec les gens dans leur demeure. Dans leur chaumière. Dans leur chaumière. Oh, c'est bien dit, ça. Dans leur chaumière. Oh, mais Colin. Ouais. Quoi, j'avais l'air trop d'aimer ça. Comme... Oh, mais Colin. Ça n'a pas d'allure. Tu parles d'une affaire. Hey, tant qu'à partager des affaires. Partage. On partage, là. C'est la saison Du partage, le temps des fêtes, pourquoi pas. Ça n'a aucun lien avec ce que tu viens de dire, mais ça me faisait penser parce que j'avais envie pour meubler. Tu sais, on aime ça meubler avec rien, ça, comme avec n'importe quoi. J'ai trouvé un site qui s'appelle le Comic Sans Project. OK? C'est comicsansproject.tumblr.com. C'est le temps d'aller voir ça. C'est des logos de commerce connus, mais refait avec la police Comics sans MS. Parce que c'est comme la police la plus cheap du monde, la plus laide. Que tout le monde se sert, c'est la police qui ressemble à une bande dessinée un peu. OK, OK. Comics sans MS. Je cherchais la police. Là. Police de caractère. C'est quoi, la police du monde? Il y a une police dans le monde qui est cheap plus que les autres. Mais donc, tu peux voir le logo de McDonald's, mettons Xbox, fait avec un X en Comic Sans, tu sais. M&M's, mettons, la NASA. Bon, c'est vrai que je suis quand même un peu intrigué parce que dit comme ça, je sais pas. Non, va voir, François, je te donne l'adresse, ça, fait que tu la tapes. Okay. C'est quoi, Comics sans MS? Comics sans Project. Non, juste pas le MS, le Comics sans Project. www.tumblr.com. T'as le Hard Rock Café, IBM, Grand Theft Auto, Google, YouTube. C'est super joli. Puis sinon, ben, si vous êtes contre la police du Comics MS comme moi, il y a le bancomicsense.com où tu peux avoir des affaires contre le Comic Sans. Moi, je la trouve belle, cette police-là. Mais moi, on dirait que non, mais tu sais, ça change. Ça choque pas mon œil, je sais pas. Moi, j'utilisais ça sur MSN. Ben, c'est ça, tout le monde utilisait ça sur MSN ou sur les pancartes de garderie. J'aimais pas le point d'exclamation de cette police-là. Ouais. Comme j'en mets beaucoup. Mais je moi aussi, je pense que j'avais un point d'exclamation. Très expressif. Ouais, ouais, je suis expressive à l'écrit autant qu'au parler. Voilà! Voilà! Voilà! Pour l'installation! Youpidou! Donc, les liens sont sur assemblagerequis.com si ça vous intéresse. Si vous intéresse pas, ben c'est normal. Quand même. C'est normal. Ah, oh, c'est beau, les M&M. Ben oui. Oui, mais j'aime ça quand c'est, même. Non, ouais. C'est la police la plus cheesy du monde. Là. Ben c'est pas... Tout le monde, là. Tu sais, je suis pas... Ben moi, ça me fait rire, là, cette histoire-là, de mettre les logos à... Ben moi aussi. Mais pourquoi ils ont fait ça? Pour en rire. Ben oui, mais c'est vrai. C'est parce qu'il n'y a pas juste la plomberie chicoine ou peu importe, les compagnies qui mettent leur Comics AMS, leur logo en Comics AMS sur leur camion. Tu sais, il y a aussi des commerces plus big shot, tu sais. Non, mais il est fin, je suis sûr. Mais... Pourquoi ils ont pas mis... Pourquoi ils ont pris Comics AMS, non? Parce que c'est la plus connue des polices la plus utilisées, genre. Ouais. OK, je pensais que c'était, mettons, Times New Roman. T'sais. Non, mais ça, c'est comme la police par défaut. Non, mais... c'est la police de travaux. Ouais, de travaux, t'as pas le choix. En 12 et dernière ligne et demie. Mais Comics AMS, j'utilise ça, là, mes travaux. C'est un jeu de travaux, pour vrai? Ah, ben, Colin, ben, t'es... Regarde. OK, ben, je te dirais pas que t'es pas original. Funky. Mais ouais, ça, c'était funky. OK. Certains diraient pas original. Pas funky, funky. Ouais. Funky, ça, j'ai dit. Funky, OK. Parce qu'on s'entend... Funky, c'est péjoratif. Moi, ouais, non, mais là... Funky, là, c'est éclectique un peu, tu sais. Dans nice. Le bon sens du terme. C'est non, nice. Ça, une fille éclectique. C'est nice. Nice full, yo. C'est whack, hein? C'est très, très whack, je trouve. C'est toi qui es whack, là. Bon. Cela étant dit, François, tu nous proposes une pièce de Against Me. Ouais, Against Me, la pièce Stop. Et bon. C'est très bon. Moi, je fais play à la place dessus, ça te dérange pas? Parce que si non, je fais stop, à jouera pas. Hey, hein, ça, c'était réussi comme jeu de mots, hein? Moi, j'ai aimé ça. Impressionné? Non. J'irais pas jusqu'à dire ça, là. Take some time to think, figure out what's important to you. Stop, take some time to think, figure out what's important to you. Stop, take some time to think, figure out what's important to you. Gotta make a serious decision. Against Me est la pièce Stop. Elle est finie. C'est fini. Stop. C'est fini. Voilà. Stop, it's summertime. It's summertime. C'est même ici Hammer, je pense. Ouais. Oh, ouais, mec. Bon, ouais. Un prince à New York, soudainement. Donc, c'est la fin de l'émission. Eddie Murphy. C'est la fin de l'émission pour aujourd'hui. On se retrouve demain matin à 7h avec Simon Fitzbé, notre seul chroniqueur, sa collègue phénomène. Oui, François-André n'est pas là demain. Je peux revenir, si vous voulez. Ben, non, okay. Non, c'est pas rien. Non? Non, je travaille. Tu peux dormir dans le studio si tu veux. Non, je travaille. Tout le monde est là, travaille. Ouais. Merci à Myriam Fugère. Un plaisir. Jasmine, Raymond Drainville. Merci, merci. Yann Martel, merci beaucoup aussi, qui n'est plus là, mais quand même. J'aimerais dire quand il y a ce fight. Pas en même temps, s'il vous plaît. Non, excuse, je m'excuse, on ne se regardait pas, tu sais. C'est pour ça. J'aimerais... Ok. Vous dites joyeuse fête. Joyeuse fête, toi aussi. Hey, merci, oui. C'est, joyeuse fête. Hey, joyeuse fête, François. Feliz Navidad. Je suis pas à l'aise, là, j'aime pas ça. Mais personne n'a l'aise. Il y avait quand même une boîte Gino. Hey, Feliz Navidad. Arriba. Arriba, à vous, caliente, man. Hey, caramba. Oh, wow. Ah, t'es bonne. Fait que c'est ça. Pas tant que ça. Non, mais moi. Hey, t'es bonne! Yeah! Wouhou! Hey, merci beaucoup. Merci, Mathieu. Merci. Jasmine, toi, les joyeuses fêtes, hein? Hey, ben oui. Joyeuses fêtes. Hey, ben oui. De oui, l'allégresse. De bonbons, puis tout, là. Hey, je veux dehors. Oui. Sentez-vous raquette. Mais quelle année. Oui, c'est ça. Ah, mais j'ai la sorte de sortir les miennes. Ils sont excités. Ils font du bruit. Ils sont excités. Ah, ouais, ok, bon. Ils font ça dans le garde-robe. Bon. C'est ça. Yeah. Ouais. Nous, on vous souhaite pas joyeuses fêtes. Ben, en fait, non, oui, à vous deux, mais ouais. Nous, c'est demain parce qu'on a une émission demain. Fait. On fera ça demain. Ben, moi, ouais. Je vous le dis pareil. OK. Merci. Bonne journée. Joyeuse merci, fête. François. Merci, Mathieu. À demain. Bye. À demain. On se quitte avec Salomé Leclerc. Ne reviens pas. Yeah. Et c'est dédié à c'est vous deux. Ne revenez pas. C'est blague. C'est blague. Je vais le prendre comme un compliment. En tout cas, je l'aime. C'est ça. Ouais. Bonne chanson. Ta canne pas te tourner. Tu me verras jamais ramper dans la boue. T'as qu'à éteindre le jour pour ne pas voir les morsures.